prédateur, il sait détecter sa proie. Et voilà. Et voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, entre autres, je disais, la Sainte Vierge, elle n'apparaîtra pas, là. Hein? Bon.